Le trésor fatal par Georges Moinet. Le 17 septembre 1894, une scène aussi étrange que dramatique se passait à bord d'un vapeur naviguant sur le lac Chucuito, plus connu sous le nom de Titicaca, par suite de la désinence bizarre de ce vocable. Ce lac est situé au Pérou, sur un immense plateau de la cordillère des Andes. Il mesure 210 km de largeur sur 280 de longueur. C'est une véritable mer d'eau douce, dont le niveau est à plus de 4000 mètres au-dessus de celui du Pacifique, et dont les rivages sont entourés de sommets et de pics dont les crêtes s'empanagent de neiges éternelles. Le lac est sous le tropique. Cependant, le climat est froid, par suite de l'altitude. La végétation est rare, misérable. On ne voit aucun arbre. Les bords du lac sont relativement peuplés. L'existence des habitants est largement assurée par l'élevage d'immenses troupeaux composés de lamas, dont on mange la chair, qu'on utilise comme bêtes de somme, et dont le poil sert à confectionner des couvertures. Conjointement avec les lamas, ils possèdent des alpagas et des bigognes, dont la laine est appréciée dans le monde entier. Les négociants du Titicaca, syndiqués en 1890, se déterminèrent à acquérir un bateau à vapeur pour faciliter la circulation sur cette immense nappe d'eau, et comme il leur était impossible de rencontrer un constructeur au Pérou, ils adressèrent leur demande à un industriel anglais de Dumbarton, qui leur expédia le bateau en question, démonté, à Molendos sur le Pacifique, point de départ d'un chemin de fer qui se termine à Puno, au bord du Titicaca. Le bateau fut transporté en détail à Puno, remonté et lancé dans le lac. Il jaugeait 550 tonneaux avec une machine de 150 chevaux. On le baptisa Coya. Il commença aussitôt son service de transport de marchandises et de passagers. En septembre 1894, le seigneur Pierola, qui joua depuis un rôle dans l'histoire du pays, organisait un mouvement révolutionnaire dans la région. Il décida de s'emparer du Coya et chargea un certain docteur Borrega de procéder à l'exécution de ce coup de main qui ressemblait fort à un acte de brigandage. Le docteur Borrega prit passage avec une troupe de complices sur le Coya. Après le dîner, il offrit du champagne aux passagers sans défiance. Parmi ceux-ci se trouvait Don Gutiérrez, le chef de la milice de la région, qui conduisait un détachement de soldats. Borrega, riant et plaisantant, se tourna tout à coup vers le chef de la milice et le tua d'une balle de revolver. Cet assassinat, aussi lâche qu'odieux, servit de signal aux complices qui tirèrent sur les personnes désignées à l'avance. Un ami de Gutiérrez avait pu s'échapper. Il gagna la partie de l'entrepôt où on se tenait les soldats et les mit sous les armes. En même temps, il ralliait l'équipage. Le mécanicien, agitant avec violence la cloche du bord, éveilla l'attention des autorités de la ville de Puno, toutes proches, qui arrivaient en balsa, en barque locale, avec des renforts et mirent les révolutionnaires à la raison. L'entrepont et le pont du Coya étaient couverts de morts, de blessés, de mourants, et parmi ces derniers, le docteur Borrega. Les partis politiques au Pérou ne se piquent pas de générosité. Les complices de Borrega furent passés par les armes. Quelques-uns furent envoyés au Presidio, au bagne. On chercha avec ardeur un jeune homme, Don Eligio Benaveres y Montano, qu'on savait très habile et très énergique, et qui était le véritable chef de l'expédition. C'était lui qui avait poussé, encouragé Borrega, et c'est lui surtout que les vainqueurs auraient voulu saisir. On fouilla le Coya jusqu'à fond de cale. On inspecta 10 fois pour une les morts et les survivants, mais sans résultat. On supposa que Don Eligio s'était sauvé à la nage, d'autant plus qu'un Indien, Cristobal, l'âme damnée de Don Eligio, avait disparu avec lui. Une somme considérable fut promise à ceux qui captureraient les fugitifs et les livreraient morts ou vifs, ce qui suscita une nuée de chasseurs bénévoles qui s'efforcèrent de gagner la prime en se lançant dans toutes les directions. Lorsque Don Eligio constata que la situation était désespérée pour lui et ses complices, il était acculé à l'arrière du bateau. Il déchargea les dernières cartouches de son revolver et d'un saut franchit la liste de bordage en criant à Cristobal qui combattait non loin « Allô !» Il empoigna le cordage qui retenait l'embarcation remorquée, mais celle-ci était démunie d'agrès et inutilisable. Il se laissa glisser dans l'eau glaciale du lac et, se mit à la nage, suivi de Cristobal, qui le rejoignit vivement et lui montra, à quelque 200 mètres, une masse sombre. « Là, dans les totoras, » lui dit-il. Les totoras sont de grands roseaux, spéciaux au plateau andin. Les fugitifs s'enfoncèrent dans la joncerie. Ils s'assurèrent qu'on ne les poursuivait pas et que le Koya et son cortège de Balza suivaient une direction opposée. Ils se hasardèrent à gagner la terre ferme, Cristobal guidant son compagnon. Après une demi-heure de marche, il s'arrêta dans une vallée, quebrada, étroite, bien abritée du vent. L'Indien partit seul dans la nuit et revint avec une charge de déjection sèche de lama, le seul combustible de ces régions, qu'il alluma par un frottage de brindilles, un de ces procédés familiers aux primitifs et qu'il faut avoir vu employer pour croire à son efficacité. Le feu s'alluma, feu sans flamme, mais suffisamment chaud pour sécher leurs habits. Ragaillardi par cette opération, ils repartirent aussitôt, Cristobal reconnaissant sa route dans cette nuit opaque, sous ce ciel sans lune et sans étoiles. C'est ainsi que, pendant des journées et des nuits, ils allèrent, suivant des chemins à peine frayés qui contournaient les points habités. Ils vivaient des maigres ressources arrachées à la nature sauvage, et il faut l'avouer, des vols nombreux auxquels se livrait Cristobal, qui, dans ce but, s'approchait des fermes, des stancias, ou des villages, et dérobait au risque d'un coup de fusil, poules, cochons d'Inde, dépit de maïs et autres victuailles. Don Eligio avait 30 ans environ, barbe et cheveux noirs, teint mat, bien découplé dans sa petite taille, c'était un cavalier au physique avenant. Il descendait d'une famille espagnole, aussi gueuse que noble. Cristobal, du même âge, était un Indien au menton fuyant, au nez aquilin, au front busqué, un profil moutonnier bonasse, ce qui n'empêchait pas l'homme d'avoir des crises de colère et de rage. On l'avait vu à bord du Koya. Il avait voué un attachement sans borne à Don Eligio, une affection fanatique, un dévouement de chien, dont celui-ci usait et abusait sans vergogne et qu'il payait par la familiarité amicale de ses relations avec l'Indien. Les amis de Don Eligio, blanc, fils d'Espagnol, qui considéraient les Indiens comme des brutes, à peine au-dessus de l'animalité, s'étonnaient, se scandalisaient même de cette camaraderie. Don Eligio laissait dire. Pauvre et dévoré d'ambition, Don Eligio connaissait, mieux que personne, la valeur d'une amitié sincère quand on sait l'exploiter à son profit. Dans les circonstances présentes, les talents de Cristobal l'avaient tiré d'un danger sérieux. Sans l'aide de l'Indien, il eût été repris aussitôt par la meute lâchée à sa poursuite et gratifié d'une dizaine de balles dans le torse, ce qui aurait mis un terme définitif à ses rêves de grandeur, alors que 2 semaines après l'événement, il suivait paisiblement le cours du Rio Huilcamayo sur une bonne mule pendant que Cristobal l'accompagnait également monté. L'Indien s'était dirigé vers une région du pays où il possédait des amis qui les accueillirent à merveille, les hébergèrent et leur assurèrent les moyens de gagner la contrée écartée dans laquelle Cristobal savait rencontrer un refuge inviolable pour l'Espagnol. Celui-ci s'étonna même de la bonne volonté qu'on témoignait à son guide et qui n'était pas exempte d'un certain respect. On eût dit un maître reçu par ses inférieurs. À mesure que les fugitifs s'éloignaient des territoires civilisés pour s'enfoncer dans les zones exclusivement habitées par les Indiens, l'influence de Cristobal s'affirmait comme une sorte de pouvoir occulte. Après avoir laissé la large plaine Cuzco sur la gauche, ils franchirent la Sierra de Huilcano, un des innombrables rameaux des Andes, puis ils descendirent dans l'étroite vallée d'Ocobamba. Ils étaient arrivés à l'asile choisi par Cristobal pour laisser au temps le soin d'effacer le souvenir de l'Algara du Koya. Le refuge était bien choisi. Don Eligio le comprit vite. Le site abrupt, dénué de chemin praticable, dans lequel s'élevait le rancho où habitaient les deux fugitifs, offrait des moyens de défense, d'autant que Cristobal disposait d'une troupe nombreuse d'Indiens qui semblaient disposés à tous les sacrifices, même à celui de leur vie. « Ce sont des Condori, descendants du soleil, » lui dit Cristobal, « et moi je suis leur maître, car je suis le fils du chef de leur race, le grand Inca Tupac Amaru. » Don Eligio connaissait l'histoire de la conquête espagnole. L'Inca Tupac Amaru avait eu la tête tranchée à Lima en 1562. un de ses descendants, Condor Canqui, lors d'un soulèvement, pendit de ses propres mains le corregidor de Tungasini. Pris par trahison, il vit supplicier à Cusco sa famille presque entière. Hommes, femmes et enfants, lui-même fut écartelé. Cela se passait en 1780. Quelques années plus tard, son neveu Catari cernait 20 000 Espagnols dans Sorata et les égorgeait. Pourquoi Cristobal, descendant d'une famille qui haïssait si farouchement les Espagnols, avait-il voué son amitié à l'un des fils de ses conquérants abhorrés par les siens? Le problème psychologique était difficile à résoudre. L'Indien avait eu, jadis, une femme, une de ses compatriotes, qui lui avait donné 2 enfants et qu'il adorait, quoique les indigènes se montrent plutôt indifférents à l'égard de leurs épouses. Les fièvres pernicieuses avaient emporté la mère et les enfants. Cristobal n'avait jamais voulu se remarier. C'est alors qu'il s'était mis à courir la vie d'aventure et qu'il avait rencontré Don Eligio. Le besoin obscur d'aimer, que chaque homme porte en soi et qu'éprouvait Cristobal, s'était porté sur cet Espagnol. En vertu de raisons que personne ne comprenait, Cristobal moins que tout autre. Don Eligio, en interrogeant habilement les Indiens, apprit que le tombeau de la famille des Tupac Amaru, chef de la tribu des Condori, avait été creusé dans la montagne. C'était une chambre carrée, taillée dans un rocher de marbre, et que remplissaient les corps momifiés des Incas, habillés de leurs costumes d'apparat que couvraient des bijoux magnifiques, diadèmes, colliers pectoraux, jambières, bracelets de bras et de cheville, le tout en or massif, constellé d'émeraudes superbes et de dimensions inusitées. Le Pérou était considéré jadis comme la terre classique de l'émeraude, cette gemme précieuse à laquelle la mode donne souvent une valeur supérieure à celle du diamant, et qui même, lorsque la fantaisie du jour se tourne vers une autre pierre colorée, n'en conserve pas moins un prix considérable. Pizarre, lorsqu'il revint en Espagne, rapportait 5 émeraudes merveilleuses qu'il refusa de donner à la reine d'Espagne, car il les destinait à sa fiancée. Ces pierres étaient non seulement de grandeur peu ordinaire, mais elles étaient taillées avec soin. L'une d'elles figurait une clochette, dont le battant était une perle. Les anciens Péruviens savaient tailler les pierres dures par des procédés dont le souvenir a été perdu. Don Eligio entreprit de se faire indiquer l'endroit où s'ouvrait, dans la montagne, la crypte au trésor fabuleux. Mais les bouches se fermèrent, et comme il insistait, on lui répliqua que Cristobal connaissait seul le moyen de déplacer le bloc de marbre qui servait de porte à la sépulture. Quoique l'Espagnol fût parfaitement assuré de l'affection que Cristobal lui avait vouée, il sentit que cette affection n'irait pas jusqu'à la révélation du secret. Il s'y prit avec tous les ménagements, toutes les précautions possibles de langage, mais sans succès. Cependant, une fois qu'il avait poussé l'Indien à boire de l'aguardiente, celui-ci, sous l'effet de l'alcool, se montra moins taciturne. Il parla de ses ancêtres enfermés dans les flancs de la cordillère, puis, sortant d'une cachette une barre de cuivre cintrée, contournée et découpée en une série d'indentations capricieusement disposées, il dit « Voyez, Don Eligio, voici la clé de la demeure où dorment les anciens maîtres de cette terre, les grands chefs de la montagne et de la mer. » Il se tut et opposa un silence obstiné à toutes les questions de l'Espagnol. L'autre, le lendemain, essaya de le remettre sur ce sujet. Cristobal détourna la conversation. Don Eligio eut recours au flacon d'aguardiente, mais quand l'Indien eut bu une rasade, il refusa de poursuivre. Eligio insista. Cristobal fronça les sourcils. Ses lèvres imberbes grimacèrent un rictus sauvage qui donna un aspect menaçant à sa face débonnaire. « Don Eligio, dit-il fermement, tout ce que je possède est à vous, ma vie au besoin, n'en demandez pas davantage. » Et chaque fois que l'Espagnol revenait à la guardiente, Cristobal repoussait le flacon. Il se défiait. L'image de ses trésors enfouis sans profit pour personne hantait le cerveau de Don Eligio. Quel instrument pour l'accomplissement de ses rêves ambitieux! Il se prenait à haïr Cristobal pour son entêtement. Un jour, il voulut partir. Cristobal se déclara prêt à l'accompagner. Il refusa. Son intention était de pousser jusqu'à Cusco, de visiter des amis sûrs qu'il possédait dans la ville et de s'en renseigner sur la conduite qu'il devait tenir, car il ne pouvait demeurer indéfiniment dans ce trou perdu des Andes. il avait l'intention de revêtir le costume et l'apparence d'un Européen de la basse classe, d'un peon. La présence de Cristobal à ses côtés pourrait attirer l'attention. L'Indien s'inclina devant la volonté de son ami. Il lui facilita les moyens d'accomplir ce voyage, qui représentait une quinzaine de jours de marche, et Don Eligio partit. Il revint au bout de 2 mois d'absence. Il raconta qu'il avait rencontré des amis à Cusco, qui lui avaient conseillé de regagner sa retraite et de se cacher encore pendant un certain temps. On lui avait prêté quelques sommes qui lui avaient permis de se procurer des provisions, des armes, des vêtements. La vie commune reprit. Parmi les approvisionnements rapportés par l'Espagnol se trouvaient des caisses pleines de bouteilles nombreuses. « Ce n'est pas de la guardiente, » dit l'Espagnol à Cristobal. « Tu peux en boire sans craindre que ta raison s'égare dans le pays des songes. » Il remplit un gobelet que l'Indien accepta non sans méfiance. Il goûta. Jamais il n'avait bu un breuvage aussi délicieux. C'était une saveur douce, sucrée, imprégnée de subtils parfums. Chaque jour, Cristobal s'habitua à boire 2 ou 3 rasades, puisait à ses bouteilles qui portaient des étiquettes multicolores avec des inscriptions en langue inconnue, et chaque fois, il constatait que sa raison demeurait indemne. La méfiance disparut. D'ailleurs, Don Eligio ne parlait plus du sujet qui avait amené un trouble dans leur bonne intelligence. Cristobal eut tort de s'endormir en sa sécurité, car Eligio avait réservé pour l'occasion qu'il guettait la plus traîtresse des liqueurs des îles dont il s'était approvisionné dans la meilleure pulqueria de Cusco. Un jour, sans qu'il y prît garde, l'Indien ne s'arrêta pas de boire, tandis que s'augmentait sa loquacité à mesure que les verres s'ajoutaient aux verres. Soudain, il poussa un triomphal éclat de rire, et de lui-même, sans que l'autre le sollicitât, obéissant peut-être à la muette injonction d'une volonté supérieure à la sienne, il s'écria « Vous voulez boire ?» Don Eligio, vous verrez. » Il saisit dans la cachette la barre de cuivre aux indentations étranges, puis il partit, suivi de l'Espagnol, qui s'était muni d'une torche, de cordage et d'une bouteille pleine. Ils avancèrent dans la Sierra, par un sentier escarpé qui menait au sommet, d'où le rio Cobambo se jette dans la profondeur de la Quebrada. Cristobal marchait droit, allègre, malgré son ivresse. Il se glissa sous la première retombée de la cascade entre la masse d'eau qui s'écroule et la muraille visqueuse des roches, et de là, sautant de saillie en saillie, il parvint jusqu'à un enfoncement où, sur la surface à peine aplanie de la pierre, apparaissait une minuscule fente. « C'est là, » fit-il. Il eut une seconde d'hésitation. Don Eligio lui tendit une bouteille qui lui arracha des mains après que l'Indien eut avalé une large gorgée. « Donne. » « Donne encore !» implora Cristobal. « Ouvre !» commanda l'Espagnol. Cristobal introduisit la barre dans la fente de la pierre. Il secoua pour loger les dents dans les alvéoles. Puis d'un coup de rein, il pesa sur la poignée. La dalle s'écarta. Don Eligio tendit de nouveau la bouteille que l'Indien vida jusqu'à la dernière goutte. Il s'écroula ivre-mort. L'Espagnol contempla le gouffre où tombait la cascade. Il examina le revolver chargé qu'il portait à sa ceinture. Évidemment, il se demandait s'il n'allait pas se défaire de l'Indien. « Il sera temps tout à l'heure, » murmura-t-il. « Mais il ne faut pas que cet ivrogne me dérange. » Et des cordages qu'il avait apportés, il lia les bras et les jambes de son ami, puis l'entra dans la crypte après avoir allumé sa torche. C'était une chambre rectangulaire, taillée dans un marbre gris foncé. Le long des parois s'alignaient de hautes et vastes poteries. En certains districts du Pérou, la coutume était d'ensevelir les personnages de qualité dans ces vases funéraires. D'un coup du talon de sa lourde botte, Don Eligio brisa l'une de ces poteries au hasard. Un nuage de fine poussière, à l'odeur empyrématique, se souleva, et quand il fut dissipé, l'Espagnol ne put retenir un cri d'émerveillement. Accroupi dans l'urne apparaissait un corps momifié, couvert de joyaux aux formes étranges, constellés d'émeraudes, qui reflétaient en des myriades d'étincelles verdâtres la lueur de la torche. La momie tout entière, avec le rire effrayant de sa tête décharnée, ses membres réduits à l'ossature, paraissait dégager comme une immense lueur électrique. Don Eligio se pencha. Il arracha le diadème, puis le large collier, où des émeraudes plus grosses que le pouce étaient rassemblées, jointives, dans un filigrane d'or terni. Il essuya une sorte de poussière qui salissait ses joyaux et dont l'odeur balsamique avait déjà frappé son odorat. Puis il lui sembla que ses membres fléchissaient, que ses jambes n'avaient plus la force de le porter. Il s'affaissa lourdement et s'étendit sur le sol. Il était incapable de remuer un doigt, mais la pensée demeurait active. Il se rappela un fait qu'on lui avait conté. Les Indiens répandaient dans les sépultures de leurs chefs une résine en poudre extraite d'une strychnée, analogue à celle qui constitue le curare, ce curieux poison qui abolit les fonctions animales et laisse sentir la puissance cérébrale. « Je suis perdu !» songea Don Eligio. Des heures s'écoulèrent avant que Cristobal revînt à lui. Il tenta de se redresser et se sentit garrotté. Il comprit, il s'était laissé jouer. La douleur, la confusion, le désespoir le dégrisèrent. Il tordit ses bras dans les liens qui les enserraient. À la longue, il put dégager un poignet. Dès lors, il fut libre. Il courut anxieux à la grotte. Un amer sourire parut sur ses lèvres lorsqu'il vit l'Espagnol étendu sans mouvement sur le sol. Il ramassa les joyaux que le violateur de sépulture avait lâchés en tombant. Il les replaça sur la momie. Il garda seulement un couteau court, admirablement taillé, dans une agate dure, une de ces armes qui servaient au sacrifice dans l'ancien culte du soleil. Il se baissa, regarda Eligio dans les yeux et dit « Traître, j'offre ton sang aux esprits de mes pères. » Et d'une main qui ne tremblait pas, il trancha les carotides de deux coups secs. Il repoussa le cadavre du pied et sortit. La porte d'Al pivota et vint reprendre sa place. Cristobal saisit à pleine main la barre de cuivre, il la tordit et la brisa, après de longs efforts dans le mécanisme qu'elle affectionnait. Alors, il s'avança sur le chemin parcouru et s'attacha à renverser le long des pentes les blocs formant le sentier qu'il rendit impraticable. Quand il eut la certitude que la sépulture des Incas était désormais inaccessible, il s'assit sur une pierre moussue et contempla le soleil, le dieu de sa race, qui se couchait lentement derrière la cordillère. Aussitôt que le dernier rayon se fut éteint, il se précipita dans le gouffre insondable de la cascade d'Ocomambo, dans le remous des eaux furieuses, et personne ne revit jamais l'Indien Cristobal, le dernier descendant du grand Tupac Amaru. Ainsi s'achève Le Trésor Fatal par Georges Moinet.